Né dans cette rue sans issue si t'es oublié. Béton gris, cage d'escalier, avenir scellé. Ascenseur en panne depuis 10 ans minimum. Dealer dans le hall, c'est le quotidien, l'album. Père absent, mère qui bosse, de taf pour nous nourrir. Rentre épuisé, je la vois se détruire, à petit feu souffrir. Mes potes du quartier tombent un par un. Prison, drogue, violence, mort, aucun. Éducation nationale nous a abandonnés. Prof s'absent, remplaçant, on apprend rien, c'est validé. On sait qu'on finira ouvrier ou chômeur. Système nous condamne dès la naissance. Malheur. Rue sans issue, piégé dans ce labyrinthe. Rue sans issue, espoir qui s'éteint. On est ici, on crève ici. Personne sort vivant de la cité. Rue sans issue, piégé dans ce labyrinthe. Rue sans issue, espoir qui s'éteint. On est ici, on crève ici. Personne sort vivant de la cité. La tentation est partout, argent facile. Guetteur à 12 ans, tu gagnes plus que ta mère habile. Tes potes roulent en BM, portent des Jordan. Toi t'as des fringues, cabi, regard méprisant en plan. Police débarque, contrôle aux faciès quotidien. Vos papiers, traités comme des chiens. Bavure, violence, personne n'en parle. Nos morts comptent pas, invisible, quel scandale. Les politiques promettent, plan banlieue, bullshit. Rien change jamais, juste de la com, profit. On nous montre comme des sauvages aux infos. Mais personne parle des conditions du désespoir, zéro. Rue sans issue, piégé dans ce labyrinthe. Rue sans issue, espoir qui s'éteint. On est ici, on crève ici. Personne sort vivant de la cité. Rue sans issue, piégé dans ce labyrinthe. Rue sans issue, espoir qui s'éteint. On est ici, on crève ici. Personne sort vivant de la cité. Certains tentent de s'en sortir par le sport ou le rap. Mais combien réussissent encore? Pour un qui perce, sans reste bloqué. Dans cette spirale infernale, coincé. Mon petit frère a 15 ans déjà les yeux morts. Je le vois partir dans le même délire, même sort. J'essaie de le raisonner mais j'ai pas de solution. Lui offrir quoi, un futur au SMIC, quelle illusion. La colère monte, rage accumulée. Société qui nous ignore puis nous condamne isolés. On veut juste vivre dignement, c'est tout. Mais on nous laisse crever dans ces tours debout. J'ai vu mon meilleur pote se faire tuer. Pour une histoire de regard, violence tuée. 20 ans à peine enterré au cimetière. Sa mère qui pleure, pas mon fils, misère. Combien encore vont tomber avant qu'on comprenne que ces quartiers sont des bombes à retardement en peine. Un jour ça va péter fort. Parce qu'on n'a plus rien à perdre, c'est notre sort. Rue sans issue, piégé pour toujours. Sans échappatoire, je survivrai un jour de